Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez. RLM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. RLM. Il est 20h et c'est le moment de retrouver votre émission 120 au compteur, hein, comme tous les jeudis soirs de 20h à 22h. J'espère que vous vous portez bien malgré le temps qu'il fait, parce qu'effectivement ça glisse un peu. Mais nous, nous sommes là, nous nous sommes déplacés parce qu'on adore notre émission, on adore 120 au compteur, on adore nos animateurs. Nous sommes ce soir avec Marine. Bonsoir, ça va messieurs? Ben oui, ça va très bien. Très bien. Alors, Marine va nous parler d'actualité, effectivement. Oui, et une sortie rock pour demain soir. Ah, sympa, ouais. Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Là, tu vas nous parler de Tinoche? Bien sûr. Ah bah, tu vas nous parler de sortie, tu vas nous parler aussi du rétro-ciné de quelle année? 1981. Ah ouais, d'accord, là on va faire un bond en arrière. Oui, un gros bond en arrière, oui. Et puis bah moi de mon côté, je vous parlerai aussi d'actualité qui nous concerne, très proche, sur Waterloo, et également sur Moucron. Et puis on aura aussi l'occasion donc d'ici quelques minutes de recevoir alors à la fois des artistes, mais aussi des sportifs. Alors des artistes notamment pour le tremplin qui aura lieu donc le 24 février. Les artistes font leur show à Moucron. Et on recevra aussi alors. J'adore, mais je vais l'appeler comme ça, Iron Woman. Yes. Parce que c'est Marjorie Demulier qui va vous parler évidemment donc de sa participation au championnat de France de CrossFit et au rallye des gazelles. Et pourquoi je vous dis Iron Woman, c'est parce qu'elle a une particularité, mais elle vous l'expliquera et ce sera juste après ça. La même corrida, lever la tête, ouvrir les bras. Tous les matins, c'est le même numéro. Trouver l'amour, chercher les mots. Je suis coincé comme un évadé. Faut marcher, ne jamais s'arrêter. Je suis piégé comme un condamné à marcher. Jamais se retourner, c'est la vie. La vie, c'est du vent qui nous souffle. Les rêves d'enfant, c'est la nuit qui descend. C'est jamais comme avant, il ne faut plus faire semblant. Attends, c'est la vie qui le veut, qui nous blesse. Le cœur et les yeux, c'est la nuit qui retombe, comme la pluie et les bombes. Il ne faut plus faire semblant à tout. Tous les matins, c'est le même cinéma. Tendre les mains, croiser les doigts. Tous les matins, c'est la même comédie. Chercher quelqu'un, trouver celle qui. Je suis coincé comme un révolté. Faut marcher, ne jamais s'arrêter. Je suis piégé comme un naufragé à marcher. Jamais se retourner, c'est la vie. La vie, c'est du vent qui nous souffle. Les rêves d'enfant, c'est la nuit qui descend. C'est jamais comme avant, il ne faut plus faire semblant. Attends, c'est la vie qui le veut, qui nous blesse. Le cœur et les yeux, c'est la nuit qui retombe, comme la pluie et les bombes. Il ne faut plus faire semblant. Attends, c'est la vie. Première sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. 107.9 FM. Et c'était C'est la vie de Marc Lavoine. Messieurs, est-ce que je vous emmène en voyage? Ah oui. Ouais, tiens, pourquoi pas. T'as des grandes valises? Ouais, on part à Memphis. À Memphis, aux États-Unis? Ah ouais, cool. À Memphis, ouais. Dis donc, est-ce que. Généreuse. Donc, pour écouter du Johnny Cash, de Blaster ou encore Matchbox. Ah, c'est Matchbox. Ouais. Ah, bon, je ne sais pas. C'est boîte d'allumettes, en français. Donc, pour écouter le super groupe qui s'appelle Dan Cash and the Road Rockers. Ouais. Donc, ça va se passer demain soir au Wap du Wap à Moucron, donc à partir de 20h, donc c'est rue du Beauchêne à côté de la bibliothèque de Moucron. Ah ouais. D'accord. Donc, pour une bonne soirée rock. En plus, c'est un super endroit. Donc, ça se passe demain soir à 20h au Wap du Wap. Et si vous souhaitez plus d'informations, www.wapduwapmoucron.com ou au 056 86 01 60. Et la soirée, elle est totalement gratuite. Ouais, cool. Ah, excellent. Et puis d'autant plus que le Wap du Wap, c'est un super endroit, hein, ouais, pour faire un bond en arrière dans les années 50. On a l'impression que c'est un café vraiment qui baigne dans son jus. Je sais pas si t'as déjà été Sherlock. Jamais. Mais c'est super. Mais j'en ai ouais, beaucoup entendu parler, effectivement. Super, ouais. Et c'est un bon rendez-vous. Et là, franchement, bonne idée, Marine. Donc, et rendez-vous ça, demain soir. Donc, c'est demain soir. Demain soir à 20h au Wap du Wap à Moucron, rue du Beauchêne. Et bah, c'est noté. Ouais. Allez. Take a stand. Bah moi, RLM, je l'écoute très souvent. Les années 80, ça me plaît beaucoup. La programmation musicale est tout à fait ce que j'attends et ce que j'aime. Donc RLM, c'est tout le temps. RLM, c'est toujours aussi bon. C'est toujours aussi bon. Et oui, c'était donc Technotronic avec Get Up Before the Night is Over. Ouais, ça, on a dansé là-dessus. Mais franchement, on a vraiment dansé dessus dans les années 90, hein, c'est ça, hein. Non, 89 celui-là. Ouais. Juste avant. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai que t'as dansé dessus quand même. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, si tu le repasses dans les boîtes. Dans les boîtes, ça marche encore. Enfin, ouais, je sais pas. On a plaisir à le réécouter, mais redanser là-dessus. Si, peut-être dans les boîtes, on va dire. Non, peut-être pas. Ils écouteront pas ça. Non. Alors moi, je vais vous parler des sorties ciné pour la Belgique. Alors il fait assez froid dehors. Si vous voulez aller vous réchauffer, profitez-en. Les salles obscures sont climatisées avec la clim chaude, hein, je précise. Donc, j'ai ça chauffage en France. C'est vrai. Donc, effectivement, je vais vous parler. Donc, j'ai sélectionné deux films qui sortent en Belgique. C'est le film Continué avec Virginie Efira, Casey Motte Klein et Diego Martin. C'est un film de Joachim Lafosse. Donc, c'est Sibyl qui est incarnée par Virginie Efira, qui est une mère divorcée et qui a vraiment un peu de mal avec son fils qui est adolescent et qui commence à être un peu violent. Et elle décide de tout plaquer et de partir avec lui au Kirghizistan. Oula, ça existe vraiment ? Je ne sais pas. D'accord. Je connaissais le Boukistan. Le Boukistan, ouais. Et donc, ils vont faire un voyage, on va dire, une sorte de petit voyage initiatique où ils vont essayer de se retrouver, eux, tout en étant confrontés à un environnement qui est hostile, à un peuple qu'ils ne connaissent pas. Enfin, il va leur arriver plein d'aventures. D'accord, un voyage initiatique, quoi. C'est ça. Ouais. Ensuite, le film Dragon 3, Le Monde Caché. Donc forcément, c'est la suite de Dragon 2 et de Dragon. C'est avec, on ne sait pas qui les acteurs, vu que c'est un film d'animation. C'est de Dean DeBlois. Alors, c'est Harold, donc, qui est maintenant le chef de Berk. Berk, pas Berk Plage, hein. Aux côtés donc d'Astrid et donc de Croque-Mou, qui est, en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Donc ils réalisent enfin leur rêve de vivre en paix entre vikings et dragons, et Croque-Mou va se rendre compte qu'il y a une femelle de son espèce. Il croyait que c'était la dernière, enfin qu'il était le dernier de son espèce, et il va tomber amoureux d'une femelle dragon. Ah, moi j'aime beaucoup Croque-Mou. Oui. Ouais, ça va, en plus. Mais je sais pas pourquoi, je trouve que c'est mignon, en fait. C'est quoi, c'est le prénom que tu aimes ou c'est vraiment le dragon Non, c'est dragon, non, sérieux. Et le dessin animé m'a plu à l'époque, le premier. J'ai pas vu deux. J'ai cru qu'il y avait un deuxième, mais. Ouais, non, c'est vrai qu'il est assez expressif comme dragon. Ouais, c'est ça. Mignon, ouais. Et donc, ils vont découvrir qu'il existe un monde caché, le monde des dragons, en fait. Ah, bien. Voilà. Et bah, donc, du coup, vous avez de quoi sortir cette semaine si vous voulez faire plaisir aux petits et aux plus grands. Forcément. Oui, c'est vrai que Continuer, c'est quand même plus pour les adultes, on va dire. Et par contre, Dragon pour toute la famille. Ouais, bah c'est bon. Allez, on se retrouvera donc tout à l'heure et je vous ferai les sorties France. Ça marche. Allez, on se retrouve après ça. Mais elle avait toujours l'air de s'ennuyer. 89.9 FM. RLM. Eh oui, donc Marine va nous donner le titre de cette chanson. Ouais, on va rire, tiens. J'ai déjà oublié. Alors, c'est When the going gets tough, the tough get going. When the going gets tough, the tough get going. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Traduction maintenant. I don't know. Alors, c'est quand les choses deviennent dures, les durs en fait s'en mêlent. En gros, c'est ça à peu près dire, ça. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est quand les choses se corsent, en fait, les durs s'en mêlent. Alors. Et eh ben bon voilà, c'est la minute culture, c'est super. Alors moi j'ai envie de passer un petit message perso. Ben vas-y. Je peux me permettre ? Oui. Je souhaite un joyeux anniversaire, un merveilleux anniversaire à Agi. Ah oui. Notre ami Agi, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc disque jockey que vous pouvez retrouver aux arcades, que vous retrouvez au Minoy. Bon, oui, bah écoute, il y en a pour tout le monde. Alors je vous cacherai son âge évidemment, donc mais Agi, donc je lui souhaite un très très bon anniversaire. Et d'ailleurs, à ce titre, donc samedi, il va y avoir donc la nuit agitée aux arcades à Tournai. Exact. Voilà, donc en partenariat avec RLM. Donc il y aura tous les animateurs de RLM qui seront là-bas donc pour fêter l'anniversaire de notre ami Agi. Donc s'il nous écoute, Agi, encore bon anniversaire à toi. Ouais. Alors Agi, il a fait toutes les discothèques de la région, hein. Il avait fait à l'époque la Mandarine, le Nick, le 37.5, il a roulé sa bosse et c'est un super bon disque jockey. Donc n'oubliez pas donc le 2 février, si vous voulez faire la fête avec lui, avec lui et toute l'équipe de RLM, donc c'est aux arcades à Tournai, donc ce samedi soir, et on y sera et on pourra se rencontrer. Ce sera bien. Oui. Vous verrez la tête de Sherlock. La quoi ? La tête de Sherlock. Pourquoi t'avais compris ? J'ai rien compris. Et je vous rappelle que d'ici quelques instants, donc on va recevoir. Olivier et Daphné, donc pour nous parler donc des artistes font leur show. Alors Olivier vient de m'envoyer un message en me disant non, moi c'est Mickey, donc on va l'appeler Mickey. Okay. S'il préfère. Et on aura aussi donc Marjorie Demulier qui va venir nous rejoindre pour nous parler évidemment du championnat de France de CrossFit et du rallye des gazelles, et ce sera juste après ça. Allez. Ça brousse aimez, c'est sur RLM. RLM. Et c'était Missing de Everything But The Girl. Yeah. Qui veut dire Everything But The Girl. D'ailleurs, la traduction est un peu curieuse, non? Bah ouais, tout mais la fille. Ouais, mais je crois que ça veut dire autre chose que ça. Ouais, sûrement. Tout sauf les filles, peut-être. Je sais pas. À part les filles. Ouais. On part dans n'importe quoi, en fait. On peut dire n'importe quoi, ouais, ça peut être tout et n'importe quoi, en fait. Bon, on a un petit coucou de Nathalie qui nous écoute. Coucou Nathalie. Donc on lui fait un gros coucou. Ouais, coucou Nathalie. Voilà. Marine, Nathalie, c'est pas très loin. Marine, à toi de parler. Oui, à moi de parler. Moi, je vous donne rendez-vous pour un petit déj lecture. Ah, ça y est, après nous avoir emmenés en voyage, maintenant elle nous offre le petit déj. Génial. Bah ouais, carrément, c'est génial. Non, ce sera un moucheron par contre. Ouais, oh, c'est pas plus mal. Bah ouais, c'est bien aussi. Donc rendez-vous samedi matin à 10h pour un petit déjeuner lecture, ça va se passer à la bibliothèque de Moucheron. C'est complètement gratuit et donc vous allez pouvoir rencontrer 5 auteurs. Donc il y aura Élie Mort, Jean-Baptiste Aubert, Jean-Baptiste Andréa, Jackie Durand et l'auteur moucheronois qui s'appelle Thomas Vanout. Donc ils seront là pour présenter leur livre. Donc il y aura des dédicaces et des débats. Donc ça se passe samedi matin à 10h. Vous aurez droit au petit déjeuner. Donc si vous souhaitez plus de renseignements, www.bibliothèque-moucheron.be ou sur Facebook Bibliothèque Publique de Moucheron ou sur ma page, et je vais relayer là. Ah bah c'est bien, mais okay. Est-ce qu'on peut assister jusqu'au petit déj? Mais non, mais c'est super, le festival de Chambéry, donc c'est super, tu vas pouvoir parler avec les auteurs. Ouais, mais c'est parce que les auteurs, je les connais pas du tout, moi. T'en connais un, Sherlock? Le dernier de Vanout, ça me dit quelque chose. C'est un moucheron. À moins que ce soit Vanouten, le chocolat qui me parle, mais. Justement, si tu connais pas, c'est le moment de les rencontrer. C'est vrai, pourquoi pas. Et donc, c'est à la bibliothèque de Moucheron. Voilà, c'est ça, rue du Beauchêne, à côté du WAP de WAP. Ah bah oui, ah bah voilà. Moi je centre tout. Ah c'est ça, ouais. Tu concentres un petit peu tous les trucs, c'est nickel. Ah bah c'est une bonne idée aussi, tiens, dis donc. Allez, bah on se retrouve après ça alors. Ouais, après quoi? David Coven avec Afrique. Found it down. première sur la fréquence, premier sur les hits, RLM, 107.9 FM. Et oui, et c'est toujours aussi bon sur les ondes de RLM dans l'émission 120 au compteur, hein, comme tous les jeudis soirs de 20h à 22h. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure, elle est avec nous, alors elle aime bien se faire attendre, hein, c'est comme ça. C'est Marjorie Demillier qui est avec nous. Alors, je m'amusais en l'appelant Iron Woman. Bonsoir Marjorie. Alors, parle bien près du micro. J'ai pas l'habitude du micro, c'est pas vrai. Si, t'avais l'habitude du micro, en plus tu chantes. Hein. Alors, arrête. Hein. Comme une truffe, il paraît, mais c'est bon les truffes. C'est pas vrai, il paraît que tu chantes très bien, tu fais plein de choses, tu as de nombreuses casquettes. Alors ce soir, tu es venu pour nous présenter trois événements. Il y a le championnat de crossfit adapté au profit d'une association qui vient en aide, pour les dons d'organes. Ouais. Donc, donnons nos organes, c'est important. Ouais, alors c'est le championnat de France, c'est important de le dire. C'est la finale nationale de crossfit adapté en France. Donc, ça se fera au stadium, c'est Villeneuve-d'Ascq, je pense. Ouais, Pierre-Mauroy. Le 8 et 9 juin prochain. Non, pas Pierre-Mauroy, le stadium. Ah, c'est stadium Nord. Ouais, stadium Nord, ouais. D'accord, autant pour stadium moi. Lille Métropole, je crois. Oui, ouais, donc s'appelle. Le 8 et 9 juin, donc au profit d'association. Donc, il y a une catégorie qui est adaptée, donc ça veut dire pour les personnes qui sont handicapés pas comme moi, parce que bah, oui, je le suis. J'ai cette chance de prendre mon pied chaque jour avec les médecins. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir une parenthèse quand même pour le dire ton handicap aujourd'hui, Marjorie, si tu voulais en parler, évidemment. Ouais, c'est une myopathie de chaîne, donc une paralysie qui s'installe petit à petit. Donc, j'ai perdu l'usage de ma jambe. Parle bien dans le micro, par contre. Et je perds l'usage de mon corps petit à petit. Mais je le travaille avec des coachs en béton, en or, avec des gens que j'apprécie beaucoup et en kiné chaque jour et voilà, et je m'accroche pour la vie. D'ailleurs, tu es venu avec ton coach Séverine. Coach Séverine Cipolla. Bonsoir Séverine, alors si tu veux bien t'approcher du micro et dire bonsoir. Alors coach, on en reviendra bien sûr évidemment sur la partie coaching. Tu nous parlais donc évidemment donc du championnat de France de crossfit donc, qui aura lieu au Stadium Nord. Il y a le rallye des gazelles. Alors ça c'est Séverine qui s'en charge également pour une association française, si je ne me trompe pas. Qui vient avoir notre projet. Donc effectivement, ça a lieu au mois de mars et je fais ça avec ma collègue Laetitia de LM Fitness à Ouattrolo. Ouais. Et c'est pour l'association Rallye des Gazelles, Aïcha, pour les femmes qui sont seules, les enfants qui ont besoin d'aide, des écoles, des soins. Et nous, pendant le rallye, ça dure toute une journée, ça dure 10 jours exactement. Alors, je vais poser une question très bête, mais Rallye des Gazelles, ça se passe où? Au Maroc. D'accord, dans le désert. C'est bien ça. Oui. Non, non, mais en 4x4. Question bête, mais, non, hein, mais, mais c'est une très bonne question. Voilà. Et en 4x4, en 4x4, c'est ouais, ça. D'accord. Ouais. Ça c'est de la nana, tu vois les blondes. Eh oui. Non mais bah, c'est des super nanas. Ouais. Et alors, il y a une troisième chose, on en parle aussi, il y a la préparation d'une pièce. Il y a la pièce de théâtre qui sera jouée le 22-23 septembre à Mauconn, Marius Estaquier. Le thème c'est le cancer. Ouais. Donc voilà, tous les bénéfices iront à la recherche contre le cancer. Donc ça sera joué donc sur les associations mauconnoises. Et puis dans la foulée, ben, j'aimerais organiser une pièce en France éventuellement. Et tous les bénéfices iraient pour le Belgique. Et ce serait la même pièce. Ce serait la même pièce. La pièce. On peut pas donner le titre maintenant pour l'instant. Si, c'est en pince pour moi. Ah, et c'est excellent. Parce que voilà, c'est voilà, qui parle de cancer. C'est le crabe, c'est le cancer. Voilà, j'ai envie de l'espace de 2 heures me foutre au réellement du cancer. C'est une belle initiative. Je vais me moquer de moi. Qui le subit, je vais me moquer des cancéreux, je vais me moquer des zones des toubibs, je vais me moquer de ma paralysie, je vais me moquer de tout le monde, mais gentiment, je vais utiliser toute la panoplie des émotions qu'on a. Donc ça sera à Mauconn, et puis si Dieu me le permet, jouons en France et tous les bénéficiaires. Bien sûr que Dieu va te le permettre, non, mais ils ont plus comme le ça aussi. Elle pourra avoir tout son budget et faire un maximum pour son asso. Bah écoute Marjorie, merci. On va se retrouver juste après ça. Une petite coupure musicale dont Sherlock a le secret. Oui, avec Réciproque et Balance-toi. Cool. Truc. Tu connais pas? Ah non, tu connais Marjorie, tu connais? Si, je suis sûr que tu connais. Ah bah ouais, bah tiens. Ouais, allez, bon, on s'écoute ça tout de suite, je suis sûr que tu connais. Approchez-vous sans bousculade. Servez-vous du gin pour les outils et belles limonades. Et parapluie, parapluie, il y a eu la pluie. Ce soir, c'est organisé dans un esprit cool. Les vases, ça va vers l'autre que tous tes problèmes s'effacent. Et ce fait de plus préoccupé les temps qui passent. Cette réunion d'amis se poursuivra jusqu'à l'aurore. Le seul but à atteindre est que tu puisses bouger ton corps. Nous restons libres comme l'air à la cadence d'esprit. Et toujours fidèles à cette ambiance qui nous emporte. Laisse-toi bercer par cette thérapie musicale. Oublie tes cœurs à l'extérieur, c'est bien le principal. J'estime que cette musique est vraiment à la hauteur. Amuse-toi. Pour apprécier la hasard juste valeur de la chute de terrain. C'est un mouvement du bassin. Un geste qui s'en fait plus à chaque passage du refrain. Lève les bras, balance-toi sur le rythme de nos bras. Laisse-le vous guider tes pas. Lève les bras, balance-toi sur le rythme de nos bras. Laisse-le vous guider tes pas. On était le champagne, je n'ai pas le d'or. Car sur la piste de danse, c'est un homme de leur corps. Le chagrin à dedans, j'ai le mal de mer. Mais je me laisse tenter par le fond d'un dernier verre. Dès lors, je découvre l'évidence. Une poésie musicale qui active des sens. Sans excès, la soirée se déroule. Les bandits se sont affamés de cagoules. Le visage découvert, tout un même univers. La nuit est à son paroxysme pour nous tenter de faire. Je ne remarque rien d'étrange dans les comportements. Juste un excès de fantaisie dans les débranchements. La foule, la place est complète, l'image des gens qui font la fête. Oh, balance-toi, et jamais les arrêts. C'est la chute de terrain, c'est un mouvement du bassin. Un geste qui s'enfuit à chaque passage du refrain. Lève les bras, balance-toi sur le rythme de nos bras. Laisse-le vous guider tes pas. Lève les bras, balance-toi sur le rythme de nos bras. Laisse-le vous guider tes pas. La brasse résonne sur des cerveaux que tu manques. Mets-toi à l'aise et si tu tapes, balance-toi. Nous sommes là pour vous savoir. Mais tout se passe bien pour le meilleur et pour le pire. Le moment est propice, attaquons la dernière manche. Au nom de tous les miens, je tiens ma révérence. De la chute de terrain, suite à un mouvement du bassin. Un geste qui s'amplifie à chaque passage du refrain. Lève les bras, balance-toi sur le rythme de nos bras. Laisse-le vous guider tes pas. Lève les bras, balance-toi sur le rythme de nos bras. Laisse-le vous guider tes pas. Didn't say. 107.9 FM. RLM. Et oui, donc ce soir, nous sommes, vous l'avez compris, avec Marjorie Demulier. Alors, je sais pas, il y a Séverine qui est... Waouh, qu'est-ce qui t'arrive, Séverine, c'est dis-moi. Elle a peur du micro. En fait. Elle a eu peur du micro. Moi, j'ai peur quand je la vois avec mes abdos. Ouais. Et là, elle a peur du micro. Alors, on est avec Marjorie Demulier. Alors, Marjorie Demulier qui va faire le championnat de France de CrossFit. Alors, question toute bête, le CrossFit, c'est... C'est... Ben, vas-y, Séverine, je t'en prie. Ah ben, Séverine, vas-y, il faut que tu nous expliques ce que c'est que le CrossFit. Ah, le CrossFit, bah, c'est une combinaison de plusieurs catégories comme la gymnastique, l'haltérophilie, l'endurance. Et en fait, on, normalement, c'est cross fitness, donc c'est un croisement d'exercices entre exercices cardio, ouais, où il faut vraiment faire monter la température et le rythme cardiaque, et exercices renforcement musculaire. Waouh, et tu fais ça, Marjorie? Avec derrière la musique tout tout tout tout. Même pas. Non non, avec les bras. J'allais dire une bêtise, mais je peux pas. Et, écoute, bah, si tu peux. Si si, vas-y. Si, vas-y, vas-y, plutôt plaisir. Ne te gêne pas, Marjorie. Mais alors dis-moi, avec ton handicap, comment tu fais? Parce que tu dois avoir une. Mais parce que je serai en fauteuil. À certains exercices, je serai en fauteuil. Parce que là, je peux pas me déplacer comme avant. Mes bras vont beaucoup travailler, donc ça se travaille beaucoup avec Séverine actuellement. Donc, c'est des poids, etc. Et faut y aller au mental. Pour les, enfin, pour travailler les squats par exemple, les personnes lambda, ils ont les pieds écartés largeur du bassin, et bien là on attache ses pieds aux mollets et les élastiques. Ouais. Et donc du coup elle s'assoit sur un banc, elle se relève, tout est adapté. Donc elle peut plus ou moins tout faire, mais de façon adaptée. À Marjorie, tout simplement. Il y a moyen. Bah, tu nous montreras tes muscles tout à l'heure. Mais j'en ai déjà plus que toi d'ailleurs. Ah bah oui. Non mais c'est pas difficile ça. Bon, ouais, on va changer de sujet. Mais de... je devais te faire des abdos parce que tu m'as pas répondu. C'est vrai, bah, je les ferai. Il n'y a pas de souci, je les ferai, c'est promis. Le rallye des gazelles. Tiens, dis donc, alors le rallye des gazelles, c'est quand? Au mois de mars, le 15 mars. Et alors, il y a de la préparation, tout ça, comment ça se passe? Oui, il y a préparation au pilotage, à l'orientation, parce qu'on n'a pas le droit au portable, on n'a pas le droit au GSM, on n'a pas le droit à tout ce qui est électronique. Boussole, alors. Donc, c'est boussole, papier à l'ancienne. Ouais. L'idée, ça dure 10 jours, toute la journée, on passe d'un point A à un point B. Il n'y a pas de concours de vitesse, mais c'est un concours d'orientation. Ah, c'est terrible. Et vous avez on arrive... toilette, quand même. Il y a du sable. Alors ça va être le plus naturel possible. C'est pas top ça quand même. Ah mais c'est terrible. Et au niveau d'alimentation, tout ça, vous préparez une alimentation bien particulière? Alors on se prépare à une alimentation et puis on prévoit aussi les petits sachets, les petites protéines, les petites vitamines. Et sinon le soir il y a des bivouacs. Si on arrive à temps, si on arrive pas trop tard, qu'on s'est pas embourbé et que on arrive pour manger, on a des bivouacs quand même le soir. Il y a souvent des personnalités qui le font d'ailleurs. Bien sûr, Johnny Hallyday l'avait fait, non? Ou c'est pas le rallye des gazelles, c'est que les femmes. Ah oui, d'accord. Ok. Ah, bah. Il y a le rallye pour les hommes, mais là je fais vraiment que pour les femmes. Okay. Et pour les hommes, c'est rallye des lamas ou genre. Non, c'est Paris Dakar, je crois. C'est Paris Dakar. Rallye des bouffons. Bon, en tout cas, tu perds pas ton humour, Marjorie. Alors parlons aussi de cette pièce de théâtre qui est en préparation. Mais voilà, c'est un projet que ça fait bientôt 2 ans. Ouais. J'y pensais depuis 2 ans, je me disais pourquoi pas. On ne parle pas du cancer. Le cancer est tabou. Voilà, il faut rester chez soi. Le malade a tort. Enfin, le malade ne doit pas parler. Le malade doit subir. Et ben, oui, il n'ose pas parler. Si, il a le droit de parler, mais juste, on ne lui donne pas le droit de s'exprimer. Et puis, j'ai écrit cette pièce. Donc, quoi, écrire un album, écrire de la musique, écrire des poèmes, c'est super facile. Écrire une pièce, c'est un challenge pour moi. Et je m'y suis mise. Et voilà, donc la trame, un peu, c'est une croisière en bateau. Parce que quand on subit le cancer, quand on vit la situation de cancer, que ce soit la personne malade ou la famille, mais que tu sois riche, que tu sois pauvre, blanc, noir, vert, qu'importe, tu es dans la même galère. Un vert, t'as un problème. Ça, c'est quand tu dégueules avec la chimie. Non, mais ça, c'est avec le bateau, en fait. Non, mais voilà, c'est pour te dire, on est tous dans la même galère. Voilà, ouais. Parce que c'est pas ton fric qui fera que tu seras moins malade, que tu auras moins mal. C'est faux. Et j'avais vraiment envie de faire ça, et je me dis, voilà, et je vais utiliser mes amis. Les gens que j'aime, mes amis chanteurs viendront là aussi. J'ai une enfant qui va jouer dedans, parce que le cancer touche les enfants également. Ouais, absolument. Et ouais, voilà, donc ça va être fun. Il y a plein de musique, il y aura des écrans géants. Ben, il y a Dom qui va chanter dedans. Ah, notre canon à nous. Oh, yes. Ouais. Bah parce que c'est un ami, et puis bah voilà, il connaît. Et je choisis les meilleurs autour de moi, tout simplement. T'as raison. Les gens que j'aime. C'est pour ça que tu nous as invités. Hein. Donc, tu m'as invité, c'est différent. Ok. Bon, vous restez avec nous, évidemment, on va continuer à en parler. On va recevoir d'ici une coupure musicale Daphné et Olivier qui vont nous parler des artistes qui font leur show. Ça va se passer le 24 février au Babylon Cabaret, mais ce sera juste après ça. Allez, c'est parti. Le dormeur doit se réveiller. Se réveiller. Se réveiller. Le dormeur doit se réveiller. Se réveiller. Se réveiller. c'est sur RLM. RLM. Et c'est toujours aussi bon, bien évidemment, avec autour de la table notre ami Sherlock. Oui. Avec Marine. Oui. Alors Canon n'est pas là, puisque pour des raisons professionnelles. Oui. Il n'est pas là ce soir, mais il sera là donc la semaine prochaine. Mais nous sommes entourés par de charmantes demoiselles. Il y a Marjorie qui est avec nous, évidemment. Il y a Séverine, la coach, alors qu'il est un peu plus loin, là, mais qui nous dit bonsoir de loin. Et on a aussi avec nous, alors elle se fait appeler Mini. Bonsoir. Alors elle nous expliquera pourquoi, mais en fait, c'est Daphné. Et c'est l'une des instigatrices, alors déjà d'une association qui s'appelle donc Les Artistes Font Leur Show. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va très bien. Content de te revoir. Ça fait longtemps. Bah ouais, ouais. Alors Daphné, donc déjà, il y a une initiative qui est la création d'une association. On en avait déjà parlé. Donc les artistes font leur show. Quelle est la vocation de cette association ? Alors ça a été ouvert au mois de septembre. On a décidé d'ouvrir une association, Les Artistes Font Leur Show, pour mettre en valeur des artistes qui n'ont jamais monté sur scène ou qui ont déjà monté sur scène, qui recherchent des contrats ou bien autres. Et du coup, on essaye de les mettre en avant. Voilà, alors c'est tout type de discipline. Parce que dans ton association, t'es à la fois chanteur, danseur, magicien, humoriste, mentaliste, skizeuse. Pas encore. Pourquoi non? Ce serait bien. Marine, ça serait peut-être. Bien, mais dans des conditions. Ah, il y a Marjorie qui se propose éventuellement. Quoi? Tu m'as dit que t'étais prêt, toi. Ah, bah moi je veux bien, mais ce sera plutôt de l'humour. Je suis un bon coach si tu veux pour tes abdos. Ah non, c'est bon, c'est bon. Alors, du coup, donc, cette association existe depuis le mois de septembre et elle a très vite grandi quand même, il faut avouer. C'est une association de Waterloo. Et du coup, tu organises déjà un tremplin le 24 février. Le 24 février, donc au mois de novembre, on a pris l'initiative de mettre les places en ligne. Ouais. Et au mois de fin décembre, bah, toutes les places étaient remplies. C'est dingue, parce que le Babylone Cabaret, quand même, faut le remplir. Oui, sans place. Sans place, voilà. Et donc, ça va se passer le 24 février. Les artistes, bon, bien sûr, on ne veut pas les noms, mais au moins les disciplines, il y aura quel type d'artistes ? Alors, on aura 6 magiciens, on aura 4 chanteurs, on aura du diabolo, du mentaliste, enfin, un peu tout. Ouais. Alors, en magie, on a un peu des magiciens différents. Donc un peu comique, triste, un peu tout en fait. Ah, magicien triste ? Oui, on a aussi ça. Ah bon, ça existe ça ? Oui, oui, ça existe. Il voulait faire autre chose, mais comme il y a eu une place, maintenant il fait magicien. Mais... Il découpe une bonne femme en deux, mais il la découpe vraiment en deux. Dans un plat, je pense. Ah non, donc ça va être une super soirée. Oui. Mais alors du coup, c'est complet. C'est complet au niveau donc de la séance, et tant mieux, ça c'est une bonne chose. Vous êtes victime de votre succès, mais comme vous êtes généreux, Marine. Oui. Comme ils sont généreux. Eh ben, ils vous font gagner des places. Donc, suffit juste d'appeler au 056 34 11 81. Alors, répète le numéro avec une voix suave. Donc, oula. Donc le 056 34 11 81, il faut appeler pendant la coupure musicale. Voilà, et vous pouvez donc remporter deux places. Oui. Deux places, donc pour le 24 février, les artistes font leur show. Donc au Babylone Cabaret, donc c'est Grand Rue à Boucron, donc c'est à deux pas d'ici. Hein, donc vous nous appelez et vous remportez tout de suite donc, les deux places, bien sûr, pendant la coupure musicale. Donc ce qu'on va faire, vous restez avec nous, bien sûr. On se fait la coupure musicale, donc une petite coupure musicale. Oui. Et on va s'amuser avec un film donc, de 1981. Voilà, bah, ça marche. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve après Just a Man. If I made you cry, if I said a lie. never promised I don't want your love, no. Oh, I thought we could just be friends. You gotta hear me, I cannot pretend, no. I'm sorry. J'aime cette radio. Écouter des souvenirs, ça me fait toujours plaisir. En plus, on est au courant de tout ce qui se passe dans la région. Vive RLM. RLM. RLM, c'est toujours aussi bon. C'est toujours aussi bon. Eh oui, et donc c'était donc Just a Man avec le titre I'm Sorry. Et nous sommes toujours avec Marjorie de Mullier. Non, oui. Nous sommes avec Daphné. Salut. Et Scooby-Doo. Scooby-Doo. Non, là, je vais vous parler d'un film. Oui, tu vas faire le rétro-ciné. Rétro-ciné, effectivement. Principe, bien sûr. Oui, alors, donc, le principe du rétro-ciné, en fait, je vais vous le dire tout de suite, dès que ma musique sera partie. Bon, je l'ai... Voilà, c'est mieux. Alors, je... Non, je vais mettre la musique. J'ai regardé un film cette semaine, donc... Cette semaine, il datait de l'année 1981. Ouais. Non, cette semaine-ci, pas. Voilà. Je vais essayer de vous le faire deviner. Donc, je vais vous donner des noms d'acteurs, le nom de celui qui a composé la musique, par exemple. Je vais vous donner le nombre de sorties, les prix s'il y en a eu. Vous allez essayer de le deviner. Je vais vous passer également des extraits de dialogues ou des musiques du film. Et on reviendra donc après ça. Et je vous donnerai quelques petites anecdotes sur le film que j'ai pu recueillir. On va commencer donc. Alors attention, si vous avez la réponse, ah oui. Je m'adresse à Daphné parce que c'est peut-être la première fois pour toi. Tu dois nous donner l'indice, des indices qui nous mènent vers la réponse, mais surtout pas nous donner la réponse. Ah oui, donne pas la réponse tout de suite, essaye de... Ça va faire marrer Marine encore une fois. Donne des indices aux petits camarades qui sont autour de la table. Voilà. Ouais, les petits camarades. Camarades. Alors, donc, je vais commencer en vous donnant quelques noms. Non, je vais vous donner la date de sortie exacte, c'est le 16 septembre 1981. Ouais. Celui qui sort un mercredi. Après. Alors, donc, dans les acteurs, nous avons Pat Roach, Ronald Lacey, John Rhys Davies, Alfred Molina, par exemple, et Paul Freeman. Allez, pour ne citer que. Le film a fait 6 398 520 entrées au box-office français. Ah, quand même. Donc, pour l'époque, c'est beaucoup. Ah ouais, c'est énorme. Pour l'époque, c'est énorme. Ah ouais. Il a reçu 5 prix, dont 4 Oscars et 1 BAFTA. Ah ouais. Et 12 nominations, notamment aux Oscars, aux Césars, à Deauville, au BAFTA et au Golden Globes. Donc c'est un film américain déjà. Effectivement, ouais, c'est un film américain car à Deauville. Deauville, voilà, c'est ça. Ok. Alors, bon, qu'est-ce que je pourrais vous donner? Je vais peut-être vous donner. Ça inspire Daphné là. Je vais vous donner une musique qui est tirée du film. Écoutez bien, c'est celle-ci. Thank you. Alors, est-ce que ça vous parle? Alors, tu nous as donné le nom du compositeur ou pas? Non, pas du tout. Ah, c'est pas James Horner? Non. Ah. Mais effectivement, c'est un très grand compositeur. Oh, c'est John Williams. Oui. Bah oui. Effectivement, c'est John Williams. John Williams, d'accord, ok. Donc ça réduit déjà le champ des possibles. Ouais, ouais, ouais. Totalement. Qu'est-ce que ça fait bien, cette phrase? Ça réduit le champ des possibles. Ouais, sur RLM, surtout, ça fait bien. Ouais. Alors, donc, Marine, je sens que tu as des pistes, peut-être, pour... Non, mais c'est pas avec un petit bonhomme vert qui parle à l'envers. Non, pas du tout. Toi, t'as fumé la moquette avant de venir. À quoi pensais-tu? Bah, un bonhomme vert qui parle à l'envers. Bah ouais, ouais. Y en a qu'un. Bon, Marine. Déjà, je suis pas petite, déjà. Mais t'es un peu verte, quand même, déjà. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est pas Star Wars. Hein. C'est... Non, effectivement, c'est pas Star Wars. Je vais vous passer un extrait de dialogue, ça va peut-être vous aider. Où est-ce qu'il a pu avoir une copie du médaillon? Il n'en existe aucune gravure, aucune image, aucune représentation. Je ne fais que vous dire ce que j'ai vu de mes propres yeux. Un médaillon comme celui-ci. Enfin, presque, parce que les bords sont plus rugueux. Et au centre, le français Belloc a incrusté un éclat de cristal. Et tout autour du cristal, sur un seul côté, on voit des inscriptions en relief, comme sur le vent. Ils ont fait leurs calculs dans la salle de la maquette? Ouais, ce matin. Belloc est le patron, un Allemand nommé Dietrich. Et quand ils sont sortis de la salle de la maquette, ils nous ont indiqué un autre endroit à fouiller, un peu à l'écart du campement. Oui, le puits des âmes, sans doute. Alors, est-ce que c'est un film d'animation? Pas du tout. D'accord. Tu pensais à quoi? À la même chose que toi, gros dégueulasse. Non, mais je pensais à Dark Crystal, je sais pas pourquoi. Ah non, pas du tout. Non, non. Ah ouais, Ouais, les Gremlins? Non, pas du tout. Alors, c'est on pas ne ça. Donne pas la réponse, on met sur la piste Marjorie. Bah, on pensait pareil. Non, non, faut pas donner la réponse. Moi, je pense que c'était faux. Ah, tu penses, vas-y, donne-nous un indice. Que c'était faux. Non, vas-y. J'étais pas née à ce temps-là. Ouais, mais c'est pas grave, et alors? Donc à mon avis, j'ai pas connu. Ah, c'est un genre madrouille. Menteuse. Enfin, si, je connais, mais... Tu l'as jamais vu? Les gendarmes à Saint-Tropez. La soupe aux choux, t'as jamais vu? Vaguement, c'est un film que j'aurais dû regarder une fois, mais franchement... D'accord. Ouais, mais pourtant, t'étais pas née. Et donc là, c'est quoi ta connerie alors? Non, mais à mon avis, j'ai jamais connu ce film, quoi. Si, mais si, bien sûr. Il y a des chances. Si, il y a des chances que tu aies dû le voir à la télé. Ouais. Est-ce que c'est pas. Il y a un personnage principal dans le film? Oui, effectivement, il y a un personnage principal. Oui, je vais vous donner un autre extrait de dialogue, ça va peut-être vous mettre un peu plus sur la voie. Docteur, nous avons beaucoup entendu parler de vous. Professeur d'archéologie, expert en sciences occultes et, voyons comment dire au juste, pourvoyeur en antiquité rarissime. Pourvoyeur, oui. Mais asseyez-vous, installez-vous. Merci. Oui, vous êtes un homme qui a plus d'une corde à son arc. Vous étiez le disciple du professeur Abner Ravenwood à l'université de Chicago. Oui, c'est cela. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où il peut se trouver aujourd'hui? La rumeur prétend qu'il est quelque part en Asie. Je ne lui ai pas parlé depuis 10 ans. Nous étions des amis, mais certains problèmes délicats nous ont séparés. Alors, ce qui est gênant, c'est que la voix, c'est pas Richard Darbois. Non. Et donc, d'habitude, c'est Richard Darbois qui fait la voix. Et là, du coup, ça trouble, c'est troublant. Effectivement, ouais. Et moi, j'ai envie de dire un truc. J'ai envie de dire... Non, c'est une connerie. C'est une connerie? Ah non, pas dans celui-ci. Pas dans celui-là. Pas dans celui-là. D'accord. Effectivement. Évidemment, il y a eu 4 épisodes. Oui. Voilà. Je suis perdu. Hein. Effectivement, il y a eu 4 épisodes. Alors, je vais te donner un indice, à Daphné. Non, ce n'est pas 50 nuances de Grey. Marine, je l'ai vu arriver tout de suite. 50 nuances de Grey. Non, c'est pas ça. Bon. Bah vas-y, Marjorie, tu dis quoi? Indiana Jones. Oui, effectivement, avec ce thème reconnaissable. Bah oui. Bah non, ça aurait été trop simple. Non, c'est celle-ci, la musique. Oui. Ah là, j'aurais reconnu, là. Ah, forcément. J'adore. Alors, donc, Indiana Jones avec Harrison Ford. Bien sûr. Et Karen Allen. C'est le premier, alors. Hein. Oui, c'est le premier, effectivement. Donc, c'est Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Oui. Alors, qui, en 81, s'appelait juste Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Il est ressorti en 97. Il a été remixé, enfin... Remasterisé, voilà. Et donc là, ils l'ont appelé pour le coffret, parce qu'ils ont sorti le coffret avec les trois. Oui, mais c'est parce qu'il y en a plusieurs, donc voilà. C'est ça. Mmh. Ils ont sorti donc avec les trois premiers, parce que le 4 est sorti bien après. En notant Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Donc, ça se passe en 1936. Donc, le professeur d'archéologie... Alors, est-ce que tu connais son vrai nom? Parce que tout le monde l'appelle Indiana, mais il ne s'appelle pas Indiana. Oui, c'est le docteur Jones, effectivement. Mais il s'appelle pas Indiana. Non, il s'appelle pas Indiana. Angus. Non, bah non, ça c'est MacGyver. Non, non, c'est Henry Walton Jones Jr. Qu'on entend dans celui avec Sean Connery d'ailleurs, parce qu'il l'appelle par oui. son prénom. Oui, exact. Ouais. Donc, qu'on surnomme Indiana, donc il parcourt le monde à la recherche de trésors dont il fait don à son université. De retour d'Amérique du Sud, où son principal concurrent, le français Belloc, lui a dérobé une idole en or massif, Jones est mandaté par les services secrets pour court-circuiter les agents du Troisième Reich, qui pense avoir localisé l'arche d'alliance contenant les tables de la loi en Égypte. Donc celle-ci est censée conférer le pouvoir de mener n'importe quelle armée à la victoire. Donc Indiana Jones va se rendre en Égypte et va vivre donc plein d'aventures forcément égyptiennes. Pas forcément égyptiennes, mais plein d'aventures en tout cas. Non. Non, mais c'est quand même celui par qui tout a commencé. Donc oui, il fallait bien que j'en parle. Mon préféré, je crois que c'est le troisième. Oui, ouais, moi aussi. La dernière croisade. Ah non, c'est le Temple Maudit, moi, le deuxième. Ah d'accord, ouais. Ok. Alors, je vais vous donner quelques petites anecdotes. Donc, parmi les acteurs retenus pour le rôle d'Indiana Jones figuraient Nick Nolte. Ah ouais. Steve Martin, donc qui est plus acteur comique, hein, qui avait choisi de faire Toutou du Ciel, donc en 81 à la place. Bill Murray, qui avait abandonné en raison de conflits d'horaire avec Saturday Night Live. Ouais, parce qu'il était dans bizarre, l'émission. Avec Bill Murray, on l'imagine mal, quoi. Oui, effectivement. Ouais. Bill Murray, donc, qui était dans les Ghostbusters. Ah, c'est trop cool, Ghostbusters. Ouais, mais on parle de Bill Murray, là. Chevy Chase, donc, qui a fait L'Homme Invisible. Jack Nicholson. Il a fait quoi? L'Homme Invisible. Ça vaut le coup. Ouais, bon, le mec, j'ai joué dans un film, je faisais L'Homme Invisible. Bah, bon, bah oui, effectivement. Alors, on s'en fout. On Jack Nicholson, qui avait été pressenti également. Ah, ouais. Ou encore Tom Selleck. Donc, qui était le plus connu et le plus potentiel des Indiana Jones, qui a dû abandonner car le rôle retenu pour lui, c'était celui de Magnum pour la série. Ah ouais. D'ailleurs, dans la série Magnum, il fait un petit clin d'œil. Il y a un épisode où il joue en gros le rôle d'Indiana Jones avec le chapeau et le fouet et tout ça. Harrison Ford a été sélectionné moins de 3 semaines avant le début du tournage, quand même. Ah ouais. Debra Winger était pressentie pour incarner Marion Ravenwood, donc qui a été jouée donc par Karen Allen, et Jacques Dutronc devait quant à lui incarner René Belloc. Jacques Dutronc. Ah. Jacques Dutronc, pas Dutrou. Oh, j'ai compris Dutrou, je te promets. Mais non, j'ai pas compris Dutrou. Ah, Jacques Dutronc devait quant à lui incarner René Belloc, mais il ne parlait pas assez bien l'anglais et a dû décliner l'offre. Alors c'est quand même un comble. Jacques Dutronc, c'est quand même un comble parce que c'est René Belloc est français en fait dans le film. Ah. Et il a été refusé Dutronc, parce qu'il parlait pas assez bien anglais. Ah ouais. Bah ouais. Voilà. Alors le choix initial de Spielberg pour Salah, l'ami d'Indiana. Salami, ouais. Donc c'était porté à la base sur Danny DeVito. Les deux hommes étaient tombés d'accord se montraient enthousiastes sur leur collaboration à venir. Mais l'engagement de DeVito sur une série de télé l'empêcha de participer au projet. C'est finalement John Rhys Davies qui obtient un rôle. Donc John Rhys Davies qu'on a retrouvé après dans la série Sliders ou encore dans Le Seigneur des Anneaux. C'est lui qui fait Gimli le nain. Lors de la séquence où Indiana Jones est confronté à des serpents, on peut remarquer que certains des reptiles paraissent inertes. En effet, bien que les producteurs du film avaient dévalisé les animaleries aux alentours des studios, il manquait plusieurs dizaines de serpents. Steven Spielberg a donc décidé de les remplacer par des coupures de tuyaux d'arrosage. Pourquoi pas ? Bah ouais, bah après, ça se voit pas. Quand on le sait, on regarde, on se dit « Ah bah oui, ça c'est un tuyau, mais... » Mais sinon, dans le feu de l'action, on s'en rend pas trop compte. Hein. Alors, dans le script original, était prévue une longue scène d'action entre Indiana Jones et un guerrier muni d'un sabre. Ah oui, excellent. Alors, mais le jour du tournage de cette scène, Harrison Ford était souffrant et avait demandé à Spielberg de raccourcir la séquence. Ce à quoi Spielberg lui répondit, sur le ton de la blague, que le seul moyen de raccourcir était de prendre son arme et de lui tirer dessus. Ce que fit Harrison Ford en le prenant au pied de la lettre. Et ça fit beaucoup rire toute l'équipe technique, et c'est ainsi que cette scène a été gardée. Oui, c'est vrai. Donc on la voit vraiment dans le film, en fait, c'était en fait parce que Harrison Ford était malade, et je crois que il devait peut-être aller aux toilettes, hein, je sais pas. Ouais, il avait la dysenterie, ouais. Ouais. Alors, il faut savoir que dans le film, il y a quelques clins d'œil également à Star Wars quand même. Ah ouais ? Oui, alors dans le film, on trouve de multiples références à la guerre des étoiles. Certains hiéroglyphes dans le puits des âmes sont à l'effigie de R2-D2 et C-3PO, donc les deux droïdes. Tandis que l'immatriculation de l'avion de Joke au début du film est OB-CPO, donc référence directe à Obi-Wan, Kenobi et C-3PO. Ah, enfin, Z6PO comme ils l'ont appelé en France, Durant la séquence finale, les ennemis d'Indy sont littéralement rongés par les flammes sortant de l'arche. Une scène intense, gore et censurée, parce qu'à l'origine, la tête du terrible René Belloc devait en effet exploser plein cadre, face caméra, projetant sang et chair vers les spectateurs. Jugée trop choquante par l'organisme de classification des films aux États-Unis, elle est donc modifiée, Spielberg décidant juste en fait de mettre des flammes devant. Donc on voit quand même bien que la tête explose, il y a juste des flammes devant. C'est vrai que c'est un film familial à la base. Oui. Et tu disais donc que c'était pas Richard Darbois qui avait fait le film. Non. Alors effectivement, donc le doublage d'Harrison Ford est fait par Claude Giraud, qui fait la voix de Tommy Lee Jones, d'Ulysse 31 ou de Robert Redford notamment. Ah ouais. Ce n'est qu'en 82, donc un an plus tard, que Richard Darbois deviendra la voix officielle. Voilà. Et c'est pour ça que c'est troublant parfois quand tu vois un film et que la voix n'est pas celle qui est habituelle, ça trouble. C'est vrai, ouais. C'est arrivé souvent avec Patrick Swayze, sur des films de Patrick Swayze où sa voix a souvent été différente. Ouais, au début quand il était moins connu, bah, c'est souvent comme ça en fait. Ouais. Quand les acteurs sont moins connus, ils mettent un doubleur, enfin un comédien de doublage, on va dire lambda, et dès qu'il commence à avoir de la notoriété, il commence à avoir un doubleur attitré. Donc on aura peut-être pensé à te doubler, toi, ce serait bien. Peut-être. Avec une autre voix. Salut, c'est Canon. You raise me up. Bon allez, on se retrouve tout de suite après un petit titre, et puis on... Ouais, bah ouais. Mais pourquoi tu ferais pas une roulette song avec Daphné, tiens? Ah ok, alors allez. Attends, je reviens sur... Daphné, et puis Marjorie, allez. Ben non, je n'ai pas d'autorisation, il manquerait plus que ça d'ailleurs. On part donc sur un titre français pour Daphné, tu me dis stop quand tu veux, je vais faire défiler les titres, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Alors, Boulevard Désert avec Je me dis que toi aussi. Oh, alors, tu peux le chanter ça? Palala, quoi, palala, palala, palala. J'ai trouvé ma doubleuse. Voilà. Mais pour faire des doublures alors, au niveau de la couture. Marjorie, à toi de faire un stop. Alors. Je veux bien faire stop, Séverine va chanter, elle chante très bien. Vas-y. Stop. The Lumineers avec Ho Hey. Oh, c'est cool. Ça fait quoi? Voilà. Plus fort, plus fort, plus fort. C'est comme si c'était la radio. Si, c'était ça les paroles. I belong to you, you belong to me. C'est trop ch'ti pour moi. Ah, d'accord, ok. Et bah, c'est bon. Allez, bon, on se retrouve après ça alors. Qu'importe le temps et qu'importe le vent, et j'avance en titubant, oui j'avance en titubant. Comment te dire ce que je ressens? Comment faire pour faire autrement que ça? Et qu'importe le bruit et qu'importe la pluie, et j'avance dans la nuit, oui j'avance dans la nuit. Comment ne plus jamais t'aimer ainsi? Comment faire pour que je t'oublie? Dis-le-moi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Palala, palala, palala, palala, palala, palala. Je me dis que toi aussi. Palala, palala. Me dis que toi aussi. Je me dis que toi aussi. C'est un rêve, réveillez-moi. C'est un fait, je n'y crois pas. Et c'est bien fait pour moi. Oui, c'est bien fait pour moi. Comment fait-on pour s'éloigner de soi? Comment sort-on de ses propres pas? Dites-moi. Quand soudain, sous le vent, sous le bruit de la pluie, sous la nuit titubant, titubant, sous je fuis. Je suis parti pour mauvaise raison. Je suis parti loin de la maison. Et depuis, sous le le ciel immense est sous mes draps. Sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps. Sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Parada, parada, parada, parada. Me dis que toi aussi. Parada, parada, parada, parada, parada, parada. Me dis que toi aussi. Parada, parada. Me dis que toi aussi. Parada, parada. Me dis que toi aussi. Trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Et c'était donc les Lumineers avec Ho Hey. Ho Hey. Ouais. Ouais. Et Ho, Ho Hey. C'est tantôt, c'est les sept notes, c'est pas pareil. C'est clair. Tu en parles demain, Marine. Oui. Je m'en doutais. J'ai l'air d'une naine. Et t'as dit oui. Oui, bah oui. Elle a dit oui. J'ai l'air d'une naine. Oui. Les artistes font leur show, donc il va se passer le 24 février au Babylon Cabaret Grand Rue. Donc n'oubliez pas d'appeler au 056 34 11 81 pour gagner des places. Voilà, gagner deux places. Alors pourquoi, oui. Daphné? Parce que c'est complet. C'est totalement c'est complet, totalement. Mais c'est une bonne nouvelle quand même, parce que c'est pas toujours évident. Alors, il y a combien d'artistes en tout, alors, qui vont 11. 11 artistes donc, qui vont se présenter devant un jury professionnel. Est-ce qu'on peut parler du jury? Ça reste secret. C'est secret. Ouais. Il y aura des grosses têtes. Oui, énormément. Ouais, ouais, ouais. Philippe Bernard, c'est pour ça. Ah, ils seront devant, parce que si c'est des grosses têtes, on verra rien. Mais cette organisation-là, alors, je reviens sur l'association, parce que bon, on parle du tremplin qui aura lieu donc le 24 février et vous pouvez gagner vos places. Mais au niveau de l'association aujourd'hui, elle est encore ouverte, c'est-à-dire que des artistes peuvent encore venir dans votre association ou On va essayer de... Parle bien dans le micro. On va essayer de... Alors le mec, il a dit, parle bien dans le micro. Non, mais moi, bien dans le micro. Non, mais moi, j'avais pas ouvert mon micro, c'est pas pareil. On va essayer de faire un sur Waterloo, parce que l'association est waterloosienne. Donc comme là, on avait fait en Belgique, à Moucron, donc on s'est dit, pourquoi pas faire une à Waterloo. À Waterloo. Oui. Donc on va essayer de trouver une salle cette année sur Waterloo, pour pouvoir reprendre des artistes. Voilà, donc on va pas dire la salle, mais ça va être une belle salle quand même. Oui. Elle est en travaux en ce moment, mais ça va être une très très très belle salle. Et pourquoi en 2019, j'y crois, de toute façon c'est sûr. À la clé, justement, pour tous les artistes qui vont venir se produire sur scène, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Alors on aura des personnes qui vont venir les voir pour essayer de les prendre, pour les produire. Ouais. Ensuite on aura quelques sponsors. Oui. Et plein d'autres à suivre. Bien, donc ça donne je envie. Je ne peux pas dire là maintenant. alors on a Richard Alexandre qui est avec nous. Alors Richard, en fait finalement il fait partie des murs maintenant. On peut le saluer. Alors Richard, tu avais une question? Si tu peux t'approcher du micro, ce serait bien. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tout le monde. Hein. Bonjour Richard. Dernier jour, hein, bonne année. Bonne année, je sais, moi aussi. Ah bon. C'est pour ça qu'on se soutient Vas-y. Tous les deux. Non, j'avais pas de question première, non, pas du tout. Ce sera des questions peut-être internes, c'est tout. D'accord. Voilà. Merci, peut-être peut-être si, tu devrais pas peut-être poser qui sont les sponsors. Ça va faire un petit coup de pub en même temps. Ah, peut-être, ouais, je sais pas. On peut parler des sponsors ou s'ils sont encore tous. Ils sont pas encore tous là. Oui, bah ouais, justement, donc, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on en a facile 3-4 pour l'instant. Mm-hmm. Donc là, on attend les réponses des autres sponsors. Voilà, donc écoute, ça, les sponsors, la réponse, tu l'auras dans les prochaines semaines à venir. Parce que si j'en donne un, après, c'est vrai que c'est pas logique pour les autres. Oui, tout à fait. Donc je sais qu'il y a Porsche. Lamborghini, Porsche, le serrurier. Ah d'accord. Ok. Et chez Majorette, ouais. Non. Alors bah écoute, je sais pas si Marjorie, tu vas y aller. Ah bah non, c'est complet. Ah bah. Mais tu peux gagner des places. Bah, j'ai déjà vu les codes devant moi là. Ah bah oui. Alors donc pour gagner des places, rappelle-nous le numéro de téléphone. Le 056 34 11 81. Eh ben, donc n'hésitez pas à appeler pendant la coupure musicale. On fait une petite coupure musicale le temps que vous nous appeliez, pour gagner donc ces deux places. Petit message d'Abdel, qui aime beaucoup la programmation musicale. Oui. Voilà, donc c'était juste pour dire qu'Abdel avait envoyé un petit message. Okay, salon des orchidées, on le salue. Bonsoir à Abdel, oui. Voilà, que vous retrouvez aussi sur les ondes de RLM. Demain. Soir. C'est... De 16h à 18h. C'est ça, de 16h à 18h. Du bon Abdel, du bon lourd. Du bon son. Et là, c'est la toute dernière de Jérémy Frérot, qui était dans les Frérot de la Vega, oui. Avec Tu donnes. Eh ben, allez, vas-y. Quand je perds le nord, quand la vie me fait courber les chines, quand l'hiver dévore mon esprit jusque dans les abîmes, caresse mon cœur avec tes mots doux. Caresse mon cœur avec tes mots doux. Rien qu'en riant, tu donnes. Ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Rien qu'en vivant, tu donnes. Ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes. Tu connais ta chance, toi t'as choisi le côté qui scintille. Et tu sais la danse que fait l'existence quand tu brilles. Caresse mon cœur avec tes mots doux. Caresse mon cœur avec tes mots doux. Rien qu'en riant, tu donnes. Ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Rien qu'en vivant, tu donnes. Ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Ça ira, va, t'inquiète pas quand tu me le dis. Ça marche sur moi, je me dis que j'ai pas le choix. Qu'avec les yeux que t'as, quand tu regardes la vie, on comprend qu'avec toi, il peut tout arriver. Ah, ah, il peut tout arriver. Ah, ah, ah, ah. Rien qu'en riant, tu donnes. Ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Rien qu'en vivant, tu donnes. Ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Toi tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Toi tu donnes quand t'es toi, tu donnes. RLM 107.9 FM. RLM. Eh oui, toujours dans 120 au compteur. Alors, n'oubliez pas le numéro de téléphone pour gagner des places pour le... les artistes font leur show. Donc, c'est au 056 34 11 81. Ou si vous appelez depuis la France, au 00 32 56 34 11 81. Alors, on peut profiter aussi de l'occasion si vous le souhaitez. Allez, vraiment, parce qu'on est, sympa et qu'il nous reste un peu plus de 15 minutes. Faites-le via la page Facebook. Oui. Sur la page 120 au compteur, vous nous donnez votre nom, votre prénom et vous remportez votre deux places pour aller voir donc le tremplin, les artistes font leur show donc au Babylon Cabaret à Moucron. Il suffit de mettre votre nom, votre prénom et puis un petit commentaire, comme ça on sera content et puis on vous fera gagner donc ces deux places. En tout cas, Mickey et Minnie seront contents de vous faire gagner ces deux places. Alors moi je vais vous parler des sorties ciné pour la France. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé des sorties ciné de la Belgique, mais il y a également les sorties ciné en France qui ne sont pas les mêmes, avec notamment le film L'Intervention. C'est avec Alban Lenoir, Olga Kurylenko, Mikhaël Abitboul. Désolé. Il a choisi son nom, lui. Et attends, parce que le film, c'est un film de Fred Grivois. En plus. Ouais. Alors, ça se passe en 76 à Djibouti. C'est tiré d'une histoire vraie. Hein. C'est la dernière colonie française. Des terroristes prennent en otage un bus d'enfants de militaires français et s'enlisent à une centaine de mètres de la frontière avec la Somalie. La France envoie sur place, donc, pour débloquer la situation, une unité de tireurs d'élite de la gendarmerie. Cette équipe, aussi hétéroclite qu'indisciplinée, va mener une opération à haut risque qui marquera la naissance du GIGN. Et après 30 heures de tension, une opération de sauvetage est organisée. Ouais, donc une sorte de biopic. Oui, c'est ça, ouais. Et enfin, je vais finir avec le film qui est sorti donc hier. Je pense que tout le monde a dû entendre parler de ce film. Qu'est-ce qu'on a encore fait, au bon Dieu, de Philippe de Chauvron avec Christian Clavier, Chantal Lobby et Élodie Fontan. C'est sorti également en Belgique hier pour ceux qui veulent aller en Belgique pour le voir. Donc c'est le retour des familles Verneuil et Coffy au grand complet. Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles, sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l'étranger. Incapables d'imaginer leur famille loin d'eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De leur côté, donc les Coffy, donc les parents de Charles, débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leur surprise. Ouais. Moi, je n'avais pas accroché au premier, mais bon. Moi, j'aime pas non plus. Ah bah, alors, les critiques sont bonnes pour ce film et ils disent même que les gens rient plus qu'au premier. Donc, Ah ouais, bon, on riait déjà pas beaucoup au premier, donc. C'est pas compliqué. Eh bah, tu riras deux fois plus quand même. Ça marche. Eh bah, on continue l'émission, évidemment. Il en reste quelques minutes. On est toujours avec Daphné, hein, qui est l'organisatrice donc, du tremplin Les Artistes Font Leur Show. Ça va, Daphné? Ça va très bien. Ouais, moi qui reviens du boulot, elle est un peu fatiguée, c'est normal. On est toujours avec Marjorie. Bah évidemment, carrément. Voilà, Iron Woman, qui va faire le championnat de France de CrossFit. Et puis également. Le rallye des gazelles. Le rallye des gazelles. Tu viendras nous en reparler d'ailleurs, hein, du rallye des gazelles. Bah évidemment. Bien sûr. Avec, avec Séverine. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a un truc là qui est sorti où ils se font sept marathons en une semaine, vous avez entendu parler ça? Oui, mais 7 jours en même temps. En 7 jours, ouais. Ah, mais 7 marathons, ça fait ouais, 42 km à courir chaque jour. Alors, voilà, dans des continents différents. Ça, ouais. Rien n'est impossible à celui qui croit, hein, tu sais. Ouais, c'est vrai, peut-être, ouais. Mais dans des continents différents, donc chaque jour ils changent de continent, là, ils font un marathon, c'est un truc de fou. Et c'est les portes en fait. Ouais, parce que t'as quand même le temps d'avion pour aller jusqu'au truc, en fait ils tombent dans l'avion, quoi. Ah, bah je pense bien, ouais, mais c'est un truc de fou aussi, quoi. Voilà. Ah bah. Il y a c'est 7 peut-être 7 jours, c'est mais ça en combien d'années? Parce que ça peut être le premier jour, tu seras en 2019, le deuxième en 2020, le troisième en 2020. 7 jours d'affilée. Uh-huh. 7 jours d'affilée, t'imagines? Ça va le faire. Ouais, bah tu le feras. Même pas peur. D'accord, ok. Bon, bah c'est noté. Tu me sponsorises? Hein? Tu me sponsorises? Bien sûr. Ok, bah, j'ai un nouveau partenaire. On ramènera du café. Arabica. Bah non, Robusta, en Belgique, c'est Robusta. Bon, allez, on se retrouve après une petite coupure musicale. C'est Infinity Inc. avec le titre. J'aime bien. Infinity. Ça me rappelle une autre radio. Ouais, ouais. Ah. Toute la musique que vous aimez, c'est sur RLM. Et je prendrais bien un petit café. Et on salue Arnaud au passage, évidemment, que vous entendez donc tous les matins dans les matinales. De 7h à 10h. Ouais, absolument, avec les infos et puis tout ce qui va bien le matin pour vous réveiller. Et ça fait du bien d'entendre la voix d'Arnaud, tiens d'ailleurs, qui sera aux platines. Oui, de la nuit agitée. Voilà, la nuit agitée, donc aux arcades à tourner. Alors, il y a plein de bonnes choses, évidemment, qui vont se passer. On rappelle que Marjorie est avec nous pour nous parler, évidemment, du championnat de France de CrossFit. Il y aura lieu quand alors ? Le 8 et 9 juin, donc au stadium ici en France, donc tout près. Ouais, donc on peut venir te voir et t'encourager. C'est gratuit, donc l'entrée est gratuite pour le public. Oui. Donc ben, forcément que j'ai besoin de mon équipe mocronoise autour de moi pour me motiver certainement. Bien sûr. Et surtout pour montrer que la SBL association, donc ASBL Kiara, don d'organes, don de vie, est présente, parce que c'est bien de recevoir les organes, mais il faut penser à donner aussi en retour. Bien sûr. Donc si les gens veulent donner un don, eh ben, ils peuvent me donner, que ce soit 1 euro, 2 euros, 20 euros, 1000 euros, parce que mon but est de pouvoir leur offrir 1000 euros. Oui. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai 2 euros. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Bien sûr. De 4 chiffres, je passe à 3. Donc soyons positifs. Ok. Et ben, voilà, mais je mettrai le numéro de compte sur votre mur à vous, si les gens veulent faire un don. Bien mais sûr. Je prends, c'est pas pour moi, c'est pour une petite choupette son ASBL, donc elle se bat depuis 7 ans. Ouais, Kiara, bien sûr. Kiara, qui a subi une trentaine d'opérations depuis sa naissance, qui plus d'une fois a frôlé la mort, et qui aujourd'hui est en vie. Ouais. Et j'ai envie de me battre pour ces gamins qui ont juste le droit de vivre et pas survivre. Bien. Ça, c'est écoute, c'est une bonne chose. Et il y a bien sûr le rallye des gazelles, on en reparlera bien avec évidemment. Séverine, ouais, The Coach. Avec The Coach, avec Séverine, bien sûr. On reparlera aussi également des artistes font leur show, hein, puisque c'est le 24 février. C'est bien ça. Donc on en reparlera. Donc où il y aura des magiciens, des humoristes, des mentalistes, des chanteurs. Diabolo. Alors il y aura Richard. Richard Alexandre qui sera là évidemment avec un jury. Donc ça se passe le 24 février. Alors si vous voulez gagner vos places, c'est soit sur Facebook, soit par téléphone. Au 056 34 11 81. Alors moi je voudrais vous parler d'un petit truc juste avant de se quitter. Justement on parle d'association caritative. Vous avez entendu parler évidemment de l'association Wonder Augustine. Oui. De Waterloo, vous avez vu. Donc ils ont fait donc il y a Panacloc et Berléan qui ont fait donc l'émission Qui veut gagner des millions. Oui. Voilà. Et donc ils ont remporté, si je ne m'abuse, plus d'une vingtaine de milliers d'euros. Et Panacloc en fait a rajouté 12 000 euros. Ah bien. Ouais, pour l'association. Donc voilà, je trouve que c'est un geste vraiment, vraiment sympa pour l'association Wonder Augustine, donc pour aussi également la recherche pour les cancers chez les enfants pédiatriques. Voilà. Donc ça c'est bien et on en a besoin de plus en plus, je pense, des opérations comme pour Kiara ou pour Wonder Augustine, et faire des manifestations, c'est très très très important. Eh bien, on va se quitter là-dessus peut-être, oui. Le temps de se dire de dire au revoir à Sherlock. Oui, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Mais je vous en prie. De dire au revoir à Daphné et la remercier de sa présence. Merci encore. Et donc si tu devais nous vendre donc le show qui aura lieu le 24 février, tu dirais quoi pour les gens qui veulent gagner les places? C'est un show magnifique et ça à venir voir. Malheureusement il n'y a plus de place, mais en espérant que l'année arrive très vite pour une deuxième édition. Voilà, deuxième édition, j'y crois. Moi j'y crois. Marjorie. Mais moi, rien n'est impossible à celui qui croit. Tu connais ma phrase. Bien sûr. Et donc, en juin, on viendra te voir au Stadium Nord. Avec Séverine, ma coach, qui est préparateur physique, mental. Et voilà. Et on va pour son assaut également. On te recevra aussi également pour le rallye des gazelles. On bah, fond les ballons. Et, voilà. Et bien sûr, pour la pièce de théâtre qui est en préparation. Vous serez invité, donc. Évidemment. On sera. Et puis merci à Marine. Mais merci à vous. Et puis merci à Richard qui est venu nous faire un petit coucou. Richard. Voilà. Voilà. On t'entend pas si tu parles pas dans le micro, ouais, Richard. Ouais. Il a dit merci à vous de votre accueil. Voilà. Non, il a dit. Son hara. Hé hey. Donc Marine, la semaine prochaine, t'as préparé quelque chose? Tu vas nous parler de quoi? Bah de sortie, hein. De musique. Ah bah ça c'est bien. Sherlock évidemment nous parlera de cinéma. Le cinéma, ouais, forcément. Voilà, et puis bah moi je vous parlerai de. Je sais pas, j'ai pas encore vu. On verra. On préparera. Tu t'es pas encore décidé. On verra de quoi je vais vous parler. Ça marche. Bon bah ceci dit, pour l'instant on va rester bien sûr à l'écoute des ondes de RLM. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Ciao bye. Allez, salut. Ciao.